Bonsoir à tous, c'est la centième. C'est la centième, bordel, ça fait 100 putains d'émissions qu'on est derrière ces putains de micros, quoi. 4 ans de radio, 4 ans de kiff, 4 ans d'artistes différents invités tous les lundis et qui nous montrent que Paris bouge énormément en ce moment, puisque effectivement on a toujours réussi à se renouveler, on n'a jamais invité ou quasiment jamais deux fois la même personne à ce micro-là, et ça fait 100. Et putain, on prend du gap, c'est un peu comme quand t'es vieux, quoi, et que tu te dis que bah ça commence à peser. Et ouais, 100e émission, en espérant qu'il y en aura 100 autres après. Et pour l'occasion, on voulait faire un petit truc cool avec des copains derrière les platines, et ce sera le cas ce soir, puisque nous aurons tour à tour derrière les platines Tourmobour, Increase the Groove, Copie Blanche, Beat Exchangers, Dans son Paris, Imported, voilà, jusqu'à 23h30, on va prendre les platines, et puis à la cool, hein, vous attendez pas forcément un schéma de base, on va commencer normalement, et puis il se pourrait bien que ça se barre complètement en couille. Donc voilà, programme de la centième, on verra ensuite ce qui se passera, c'est déjà beaucoup. Je vais quand même faire un petit rappel événementiel, hein. J'en profite quand même pour envoyer du lourd. On va avoir trois événements qui vont s'enchaîner assez rapidement. Le premier, c'est le 17 juin pour un open air de Derrière les Fagots, gratuit à la Prairie du Canal, de midi à 22h. La Prairie du Canal, c'est une friche qui a été réhabilitée en ferme d'agriculture urbaine par le collectif La Sauge, et qui donc vient prendre place tout cet été dans ce superbe lieu. Et donc nous serons là-bas de midi à 22h avec les copains d'Into de Deep, de Enart Records et de Shiner de Paname pour à la fois planter des radis et groover sur du gros son. Donc ça va être très très lourd. Checkez, hein, l'event est sur Facebook et ça va être monstrueux. Ensuite, il y aura évidemment la fête de la musique le 21 juin devant l'Ave Maria au Oberkampf. Voilà, l'année dernière, on avait eu presque 800 personnes sur cette petite place à côté de Oberkampf. C'était monstrueux. Et ben on remet ça, et on sait pas encore qui y aura. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont eu de passer des galettes, faites-nous signe. Ce sera aussi un gros bordel, on s'en fout un peu de l'ordre de qui passera. Et évidemment, et là vous, c'est grosse exclu puisqu'on annoncera demain en public, donc petite sucrerie pour ceux qui nous écoutent ce soir. Le 13 juillet, nous serons à la plage du Glazart avec un line-up de Mammouth en compagnie des copains de Briefly Established, hein, avec qui on organise cet événement et qu'on embrasse bien fort. Donc nous serons le 13 juillet à la plage du Glazart avec Glenn Underground, Rick Wade, Flabert, Nick V et le Modern House Quintet en live, plus les crew Beat Exchanger et Mackie Deep au platine. Donc ça s'annonce, voilà, j'ai pas grand chose à dire, on en reparlera demain. C'est à peu près tout pour l'événementiel, et donc on va commencer en musique tout doucement avec Tourmobour, qui vient d'ailleurs fraîchement de sortir son premier album, mais on va en discuter ensuite, et qui va envoyer doucement une demi-heure, trois quarts d'heure de son, voilà, pour commencer. C'est tout de suite Tourmobour pour introduire cette centième émission. Make it deep. It's an original composition of mine that was inspired by and dedicated to Mother Africa. Hope you got with that, baby. Mama Africa. We hope this one will make some of you feel more or less at home. Doesn't. Shame on you, baby. The title of this tune is Kush. Thank you. Categories were for house music, and somebody actually asked me, I couldn't tell you. It's good and it's bad. To me, always, it's been house. House is just house. House is house. House. Thank you. by a desk, I look at my, you know, the guys that I came with, like to say, yeah, boy, I told you. This brother opens the desk, he reaches and he pulls out. I'm reaching real low. Then I look back at my boy, man, he's gonna give me a big gun. See how far down he's reaching in the desk? And he pulls out a stack of books. And I said, excuse me, brother. You said you were gonna arm me. And he says, excuse me, young brother, I just did. C'était Tourmebourg sur Make It Deep. Salut. Salut. Bah merci pour cette ouverture en douceur et comme on aime. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que là on sait que tu sors ton premier album. Ouais, le premier EP là qui sort chez Pont Neuf. Et donc t'as raconté quoi? Comment c'est Bah ouais, enfin nous en parler un peu. Il sort quand? Il est déjà sorti ou il sort? Alors là il est sorti vendredi dernier. Et normalement il est disponible, alors où exactement c'est Pont Neuf qui s'en occupe, je gère pas trop ça. Mais il se retrouve en streaming partout et généralement chez tous les disquaires. Ok, d'accord. Et là, qu'est-ce qui arrive pour toi? Il y a un prochain EP, des dates? Alors voilà, pour l'instant, préparation en septembre, j'ai normalement quelque chose qui devrait arriver chez Folamour sur FHUO. D'accord. Et on est en train de voir avec un label aussi à New York qui s'appelle Hommage, et ça devrait arriver courant 2018. D'accord, ok. Et après, on verra comment tout ça est reçu. Et quoi d'autre je pense que c'est tout pour l'instant. Et sur les projets Pont Neuf, là Projet Pont Neuf, normalement, il y a une autre compile qui arrive l'année prochaine aussi. Et donc là, il y aura aussi une track, très probablement. D'accord, ok. Et je suis en train d'essayer de voir aussi avec Groovance pour leur deuxième Various. Mais ça, tout est encore... ils attendent les tracks. Enchanté. Je suis encore en train de faire les tracks. Voilà. Ok, et des dates, là, rapidement, sur lesquelles on pourrait devoir jouer Alors, il y a la Rise Party à la Java, le 4 juin. Qui est une veille de jour férié pour l'EP. Il y aura Cheshire Cat, Alva et Armless Kid avec nous. Ok. Donc ce sera une bonne soirée en famille et je pense que ce sera cool. Ouais. Ok. Donc, c'est la grosse soirée après des petites choses ici et là. Voilà. Ok. Qui sont encore annoncées. Okay. Voilà, qui s'annoncent au fur et à mesure. Il y a une date aussi aux Connexions à Toulouse avec Groovance. Et voilà, pour l'instant, c'est les deux gros trucs qui arrivent et des choses qui sont en cours aussi pour le futur. Ok, nickel. Bah merci à toi et puis on se retrouve très vite et allez acheter l'album qui est dans les bacs et qui est mortel d'ailleurs au passage. Gros big up. On va enchaîner maintenant avec Théo Beat Exchangers sur Make It Deep pendant à peu près aussi une petite heure. Voilà, gros big up à BeatX évidemment. On enchaînera ensuite avec des petites questions pour savoir ce qui se prépare dans le label. Make it deep. But love told me better never to get used to what we had. So forgive me if I have taken you for granted. For granted. For granted. For granted. For granted. For granted. For granted. Bullshit. It's it's all bullshit. And laugh at you. Love shit. I'm gonna go get some more. Yeah. Théo, Beatix Changers, merci. Hello. hello, merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour ton set. Avec plaisir. Alors raconte-nous un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses là qui arrivent pour Beatix dans les prochains mois. Est-ce que tu peux nous dire, là on synthétique, ce qui est le plus important? Alors le plus important... Foula. on parle des... Ouais, on va parler de la musique parce que c'est le plus important. On a pas mal de releases qui vont arriver. On a, vous le savez, le Mathieu Fernès là, le Exactement. Canadien qui arrive de Trois-Rivières. Big up Trois-Rivières. On a un Lady Blacktronica dans les bacs. Ah ouais. Qui est en train d'être cuisiné. Qu'est-ce qu'on a? On a un EP de Rafiki, moi-même. Peter Rowe, Run With Us. Gubert. Pas mal de choses qui vont arriver. D'accord. Voilà. Et tout ça, ça arrive dans les prochains mois là. Ouais, voilà. Ben, on le sort quand on sent que c'est bien cuit, que c'est bien chaud, tout ça. On prend notre temps. Voilà, l'important c'est que l'artiste soit content de son travail et que nous on soit pareil, on soit derrière le gars et qu'on soit content de lui sortir le truc. Et là tu disais que t'as un EP de toi, en plus j'ai vu que t'as joué quelques prods à toi là, pas mal même. Ouais. 3-4. Et du coup là c'est les prods de l'EP qui arrivent ou... Non, c'est des trucs que j'ai sortis, que j'ai pas encore sortis, qui vont peut-être sortir sur des labels. J'ai déjà des trucs de... J'ai des trucs qui sont sortis sur le label de Wimi. J'ai des trucs en prépa pour Vertu. D'accord. Des trucs aussi en prépa pour Rendez-vous, pour le label de Molly. Voilà. Sans... Là, l'ambiance commence à s'exciter. Là. Tu entends ce verre qui se cogne. Ok, donc là, des trucs sur Vertu et des trucs sur la belle de Molly qui arrivent pour toi là dans les prochains mois. Voilà, donc je suis en train de préparer ça. On est en train de préparer l'EP. Et du coup, de niveau de date, tu me disais qu'il y avait pas mal de trucs aussi qui arrivaient là. Quelques concrètes cet été. On a joué avec Prophète à la concrète dernièrement. Mmh. Là, il y a Rata et Zo qui vont jouer. Avec Phil Wix, c'est le 10 juin, je crois. Ouais, le 10 juin. D'accord. On a une Bakula. Ça, c'est cool. Ça, c'est notre jam session qu'on fait avec des musiciens. Ambiance posée, soul, jazz, hip-hop, afrobeat. On donne ça le 31 mai. Le 31 mai, pardon, à La Main. Le collectif La Main, dans le 15e. Voilà. Et ça va être la dernière à La Main parce que le collectif La Main va devoir déménager. Des raisons administratives, enfin, voilà, ils réhabilitent l'immeuble, ils en font des logements. Donc il y a la Bakula, qu'est-ce qu'il y a encore qui arrive? Il y a une Tapwater Jam le 8 mai, voilà, le 8 mai, spécial disco. Voilà, on met en avant le disco et le walking. Donc on aura des démos de WAC, voilà. En fait, on ouvre la Tapwater Jam pour un collectif de walking qui s'appelle Made in WAC. Enfin, bref, voilà, on leur donne un petit coup de main. On a une Java aussi en juillet. Ouais, 13 juillet, c'est ça. Voilà. Enfin, beaucoup de choses. Ok. Voilà. Et sinon, sur la page fan, vous avez toutes les infos. Voilà. Je viens de parler pendant 10 minutes, mais allez voir sur la fan page. C'est plus simple. Ok, c'est cool. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et puis, c'est gros cool. Big up à Beatix. Hein. Et bravo à vous, hein, c'est la 100e. Ouais. Vous pouvez vous applaudir. C'est bien. Voilà, auto-applaudissement dans le studio, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Bravo à Beatix, bravo pour cette 100e. Et ben le meilleur pour la suite. Et puis de toute façon, j'imagine que on vous recevra sur ces micros une prochaine fois. Bah, avec plaisir. Allez, c'est cool. Ciao, merci beaucoup. Ouais. Et remets-moi le micro parce que quand même il faut. Voilà, il y a Antoine qui a pris possession des platines là. Imported Simus pendant 45 minutes. C'est parti, on se retrouve juste après. Make it deep. Moving around the town.

Simus, Simus est attendu derrière le micro. Attention le casque, salut Antoine. Salut Simon. Merci à toi pour ce super set et d'être venu ce soir. Merci à vous. Avec grand plaisir comme d'habitude. Alors raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe là pour Imported dans les prochains mois. Bah écoute, ça bouge beaucoup, on vient de sortir un EP, un Various qui a bien marché, on represse 300 copies supplémentaires. Le 1er juin, on pourra se voir à la Marbrerie si vous êtes disponible. C'est une première live session qu'on a intitulée Imported fait sa scène. Il y aura NAN, Live MPC, Call G, Machine, Pacific Shore Machine, ça va être vraiment sympa. Donc 1er juin ça. 1er juin, jeudi, ouais, après on aura une Java qui va arriver aussi avec Cody Curry dont on a entendu le track à l'instant. Un mec de Londres, et après on renchaînera à la rentrée. D'accord, ok. De nouveau à la Java. Ok, nickel. Et toi, niveau perso, t'as des dates aussi hors Imported qui arrivent cet été? Ouais, j'ai un petit truc qui arrive au Nouveau Casino pour la release party d'un EP commun entre 124 Recording et MLH, ouais. Major League House, qui vont bientôt signer sur notre agence. C'est pour ça que je suis sur le line-up. Et ça va être du bon, ça va être du très big très up bon. À Major League House qu'on avait reçu dans les toutes premières émissions ici, on avait reçu Zim. C'est vrai, de exactement. Major League House, ouais. Et on note ça. Et alors, du coup, moi je me posais une question aussi. On a vu que t'avais mixé avec Charline là dans un festival à la montagne. Dinguissime. Ah oui, bah raconte-nous un peu, c'est la première édition là. Ouais, c'était la première édition du festival, c'était aux Deux Alpes, le ouais. Brox Festival, vraiment chouette. Une scène en bas dans le village avec que des lives, avec un panorama dingue sur la montagne derrière, puis c'était au bord d'une falaise. Et l'après-midi, dans un bar d'altitude, au soleil, c'était vraiment, vraiment dingue. Ok, d'accord. Super vraiment cool. le festival à faire l'année prochaine. Ok. Et une dernière petite question, parce que oui, tu me parlais là d'un repressage de 300 copies de votre dernière release. Il y a la troisième là qui arrive bientôt ou pas? La troisième est en chemin, on bosse dessus. On bosse sur un sub-label, puisque la troisième là, ça sera encore un Various Artist. Ok. On bosse sur un sub-label à côté aussi, sur lequel on voudrait sortir des EP full de nos artistes de l'agence. Et vraisemblablement, ça sera Ghetto Chords qui sera le premier élu. D'accord, ok. Voilà, voilà. Donc Ghetto Chords pour le prochain EP du sub-label en fait. Exactement, ça arrivera je pense 2018, ça serait peut-être un peu présomptueux de dire 2017. Ok, bah voilà. Nickel, bah merci beaucoup à toi. Et donc la date est prise, 1er juin à la Marbrerie pour la prochaine soirée Imported, ça s'annonce lourd. D'autant plus quand on connaît le lieu. On va enchaîner maintenant avec Louis Devergne, Copie Blanche, Increase the Groove pendant une heure et puis quelques petites questions à la fin du set, mais c'est parti tout de suite. Voilà, Louis Devergne pendant 45 minutes sur Make It Deep. Make It Deep. Thank you. been fixing is the man. What you've been missing, well, here I am. Got my tool in my hand. If there's a job, I got the plan, and I'm ready to start. Do your yard need fertilizing? My aim is satisfying all your wants. I hear word your boiler's busted, and you feel totally disgusted. I'll leave your rules. I'm your fix-it man, and here I stand with my tool swinging in my hand. I'm your fix-it man, and here I stand with my tool swinging in my hand. You got a nut that's tight, I know how to fix it right, I'll guarantee it. And if your drain is clogged, I got something for the job. I'll plunge it, I'll pop it. If it's clogged, I'll unstop it. Got something loose that needs a screw. Look out, baby, know what to do. I'm your fix-it man. Here I stand with my tool swinging in my hand. I'm your fix-it man. And here I stand with my tool swinging in my hand. Now watch me work. Now watch me work. function. We'll be right back.

like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. We'll be right back. Gros gros big up à tous, à tous les gens présents ce soir. Oh yeah. C'est la centième. Merci, merci à tout le monde. Merci à Tourmobourg, merci à Rafiki de Beat Exchanger, merci à Sinus, merci à Louis Deverne, Copie Blanche, Une Crise de Groove, merci à Mimo dans son Paris, et merci à Raph, Une Crise de Groove, qui s'est planqué ce soir. Il est en train de ranger les bières là. Il était pas chaud. Voilà, merci à vous tous, c'était la centième, c'était lourd. Rapidement, on va vous poser, voilà, c'était Mimo et Louis Deverne derrière les platines. Est-ce que vous pouvez chacun nous raconter un peu ce qui va venir là pour Dans son Paris et pour Une Crise de Groove dans les, et vas-y, pour Copie Blanche aussi, profitons-en. Exprime-toi, Louis. Y a pas mal de choses à venir en vrai. En premier, genre mercredi, ce sera la sortie de la release party, yes. Une Crise de Groove. Donc, pour l'occasion, on va fêter ça en famille. Les 4 personnes qui étaient présentes sur l'EP, et en plus de ça, bah... Deux connards. En plus de ça, ouais, y a d'autres gens pour nous accompagner. Il y a Rafo qui a lancé le Scud. Il y a aussi des potes de Copie Blanche et tout qui vont être là pendant le before. Il y aura aussi des mecs de House Monkey Records. D'ailleurs, un disquaire que je conseille à tout le monde sur la région parisienne. Très lourd. Et ouais. Et French Label Only, c'est du lourd. Ok, ok. Et Copie Blanche, des trucs qui arrivent là? Non, je reviens d'un week-end à Marseille, okay. Fort en émotion avec eux. Et, franchement, il y a tellement de détails à racler que ouais. On pourrait écrire un bouquin sur juste ce week-end. Avec eux, c'est toujours des fantaisies. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver pour la prochaine. En tout cas, on me glisse à l'oreillette comme quoi, au niveau de la fête de la musique, il va se passer un truc dans les environs de Barbès. Allez. Avec Copie Blanche, entre autres. Mais bien sûr, il y a d'autres poteaux, d'autres groupes parisiens qui seront avec nous. C'est pas encore totalement comment ça va se passer, mais c'est sûr ça sera. Ok, lourd, fête de la musique, Copie Blanche. Exactement. Et Une Crise de Groove, mercredi au Nouveau Casino, Harrison BDP, KM3, Louis Deverne et... Et Hans Sunderman, alias Arvorton. Voilà, alias Arvorton. Voilà, alias Arvorton, surtout il sort. Mercredi soir au Nouveau Cas, le Scud sera à vendre. Exactement. Et voilà, donc soyez là. Et Mimo maintenant, dans son pari. Bah écoute, les bails, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse fête de la musique. On a récupéré un bon bail au Nuba. On va faire moitié live band, moitié DJ set. Donc là, on me glisse dans l'oreillette qu'il y aurait Cotonette, Ménage à 3, ce genre de groupe. Sinon, DJ set, on n'est pas encore trop calé, mais Bettino doit être là. Voilà, ça va être une bonne teuf. Et sinon, perso, moi, je vais être avec les potes de Imported au Mélotron le 9 juin. Okay. Si vous voulez passer une tête, boire une petite bière. Et voilà, tranquillement. Et des sorties là sur la paille? Ouais, il y a des trucs, mais bon, c'est pas encore tout à fait calé. Voilà, okay. C'est en cours. Je préfère rien dévoiler. T'as vu? Ouais. Okay. C'est en scred. Ok, bah big up à Louis et Animo dans son Paris, Une Crise de Groove. Big up les gars, et puis merci à tous d'avoir été présents pour cette centième édition. Copie blanche. Ce sera le mot de la fin. Ouais, mamen, copie blanche. Nous on se retrouve lundi prochain au New Morning avec Harvest Sutherland, S3A et Céline Sunday pour une émission spéciale pour la soirée AKA et voilà, et on se retrouve aussi avec les gars de Escape Records qui viendront la semaine prochaine au studio. Donc voilà, on continue la 101ème la semaine prochaine. Joyeux anniversaire mec et Deep. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Gra. Et on le rappelle. Rendez-vous pour la 200ème. Voilà, rendez-vous pour le rendez-vous. Tu seras plus vieux. laisse-moi encore ma jeunesse. Et donc on le dit, hein, 17 juin prochain, on sera à la prairie du canal à Bobigny. Invité, on organise un truc avec le collectif La Sauge, avec Into the Deep, un art chineur de Paname pour un open air qui durera toute la journée de midi à 22h. Et le 13 juillet, évidemment, Glenn Underground, Rick Wade, Flaber, Nick V pour la grosse mec de cet été. Hey Glenn, avec Briefly Established en contrat avec Briefly Established. C'est un pote à toi ou quoi? Glenn, ça fait longtemps qu'il est pas venu sur Paris, est-ce qu'il peut? Ça fait 2 ans et demi, mec. 2 ans et demi, vous le ramenez. Allez hop là, 10 balles dans ta poche. Ah, je me fais payer pour dire ça en vrai. Voilà, ça fait 2 ans et demi que Glenn n'était pas à Paname et on le fait venir, bordel. Donc voilà, 13 juillet, prenez la date. Merci à Louis pour la promo. On se quitte en musique, en jazz et en musique comme chaque semaine avec Ezra Collective, sorti morceau tiré de leur premier EP. Et suivez bien Ezra Collective qui sont un peu les petites prodiges de la nouvelle scène jazz londonienne, parce qu'il se pourrait peut-être, je sais pas tenir ma langue, à chaque fois j'annonce des bails alors que y a même pas le quart qui est fait, mais peut-être que genre vous voulez venir au New Morning à l'automne prochain. Donc restez connectés, Ezra Collective sur Make It Deep. Bon, on clôture avec ça, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous, bisous. Essaye.